quand on aborde le thème de la rencontre pour former un couple, il est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui permet l'allumage. On parle de karma, ça va de soi que ça donne une ambiance de « on n'a pas le choix », mais l'ego, lui, ne l'entend pas comme ça. Il a l'impression qu'il a plus de contrôle que ça dans son choix, surtout quand il a déjà acquis certaines expériences au niveau de ses rencontres antécédentes. Il a, comme on dit, exploré ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mais, évidemment, ça semble toujours nouveau, une rencontre, et ça semble toujours donner à l'individu cette sensation de magie, cette sensation d'innovation dans le rapport qu'il aura avec l'autre. Mais qu'est-ce qui peut faire tant de différence entre une rencontre avec un ou une amie et une rencontre dans une relation qui sous-tend une dynamique d'implication, d'engagement ou d'affectivité? La réponse, on peut la trouver dans les attentes que les deux ont l'un par rapport à l'autre en ce qui touche l'engagement. En général, on ne demande pas à un membre de notre famille de s'engager à outrance dans notre intimité. Dans une relation amicale, on propose une certaine forme d'intimité, de confidence. On propose à l'autre de démontrer une crédibilité, mais on ne lui exige pas. Dans le couple, c'est là que ça présente une situation de tension parce qu'il y a exigence. On dit « si tu veux être avec moi, il faut que tu me traites d'une certaine façon ». C'est pas dit d'une façon formelle, mais c'est sous-entendu de façon continue et permanente. Et plus la relation s'engage dans la rencontre, plus le système d'évaluation de la possibilité que l'autre puisse répondre à certaines exigences commence à apparaître. Quelles sont ces fameuses exigences? Bon, on pourrait dire que pour tout le monde, c'est tout ce qui nous présente une forme de sécurité sur des zones qu'on n'a pas de contrôle pour se donner cette sécurité. En d'autres termes, l'homme comme la femme font d'une façon très subliminale une comptabilité des possibilités que l'autre a ou dispose pour répondre à nos besoins, que ce soit d'une façon officielle, donc apparente et immédiate, ou d'une façon potentielle, c'est-à-dire future et en développement. Les gens les plus solides vont viser le développement, donc ils vont sentir une certitude que l'autre est capable de répondre à ses exigences, à ses besoins, et vont jouer sur la carte du futur. D'autres, eux, ont été brûlés, donc ils ont perdu cette confiance du futur et se rabattent sur le temps présent. Donc, il faut que leurs exigences soient remplies à très court terme. On ne peut pas discuter du pourquoi une personne se présente plus dans le court terme par rapport à l'autre qui se présente dans le futur. Comme j'ai dit, ça dépend beaucoup des expériences et de la souffrance que chaque individu a eu à encaisser dans sa vie par le biais de déceptions ou par le biais de projections qui ont avorté dues à des trop grandes expectatives et à un manque de contenance du partenaire ou de la partenaire à remplir les exigences qui se sont présentées. Donc, ce qui devient intéressant, c'est que les attentes se formulent sur des insécurités que l'on a, que l'on n'est pas capable de remplir. Et c'est très important de comprendre que c'est des insécurités. On n'a pas des attentes quand on est en force. On a des attentes quand on est vulnérable. La personne qui est forte n'a pas d'attente parce que c'est elle qui va proposer sa ressource. Quand on a une attente de l'autre, c'est qu'on est en faiblesse. Mais le jeu, c'est de ne pas démontrer qu'on est en faiblesse, qu'on est vulnérable. Donc, l'attente est exigée avec autorité, avec force et souvent avec colère dans certaines situations pour masquer cette vulnérabilité, pour donner l'impression qu'on est au-dessus de nos affaires et que l'autre ne peut pas jouer de négociation sur ce qu'on attend, que c'est une exigence absolue et sans aucune forme de condition. Et inévitablement, si on est capable de se présenter avec autant d'autorité, c'est parce qu'on a très peur. On a très peur d'être dévoilé dans notre vulnérabilité. Mais inévitablement, à un moment donné, c'est évident que la rencontre va s'éteindre et qu'on va tomber dans un certain quotidien et que cette vulnérabilité va apparaître. Le plus drôle souvent que j'ai pu remarquer, c'est que c'est cette fameuse vulnérabilité mutuelle, évidemment différente aussi souvent, mais c'est cette fameuse vulnérabilité qui donne la colle qu'il faut pour donner un tissu solide à la relation à long terme, pour vivre le couple. Vous ne pouvez pas arriver fort dans une relation, sinon vous n'auriez pas d'intérêt pour l'autre. Il vous faut une vulnérabilité pour donner un intérêt à l'autre, et vous êtes intéressé par l'autre pour sa vulnérabilité, parce qu'il y a quelque chose en vous que vous pouvez remplir. Vous êtes sûr de l'échange. Il y a quelque chose en vous qui vibre, une volonté d'échange, parce que vous savez que l'autre n'a pas ce que vous allez lui apporter. Et c'est cette évidence, cette certitude qui fait votre assurance à rentrer dans la relation et votre volonté de dicter certains comportements à l'autre pour qu'il puisse bénéficier de votre ressource. Et l'autre fera de même à sa façon parce qu'il saura qu'également, il aura trouvé une vulnérabilité dans votre personne et se présentera exigeant de certaines lignes de conduite, certaines façons de faire pour que vous soyez capable de répondre à son besoin en échange d'une ressource qu'il va vous apporter. Bon, évidemment, c'est pas très romantique, mais le romantisme vient se présenter là-dedans pour apprendre à connaître comment les deux vont glisser mutuellement dans l'approbation et le consentement. C'est comme si je vous disais, le romantisme, c'est l'huile sur la salade pour que ça soit moins sec, moins ambigu dans l'échange. Vous remarquerez que c'est plus difficile d'être romantique après 15 ans de mariage. Je ne vous dis pas que c'est impossible, mais je vous dis qu'en général, c'est plus difficile. Même 15 ans de mariage, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas jusque-là. C'est l'énergie du début qui donne cet intérêt d'être romantique parce qu'on veut se présenter au maximum de nos ressources pour être achetable, pour ne pas être rejeté. Et on donne inévitablement à l'autre l'occasion de se révéler. Et quand on a un petit peu d'expérience, on surveille ce qu'il peut nous cacher. Parce que malgré ce qu'il présente, qui est souvent à son meilleur, on a toujours une certaine tension à se poser la question « Est-ce qu'il m'a tout dit? Est-ce qu'il m'a raconté tout de son passé? » Ou pour les plus expérimentés, « Est-ce que je sens vibratoirement que je suis neutre par rapport à l'expérience? » Pour savoir exactement ce qu'il cache ou qu'il pourrait cacher. Vous allez me dire, c'est de la suspicion, mais malheureusement, ça se passe bien comme ça. Plus je vous dis, la personne est naïve, donc est dans ses premières expériences, moins elle se questionne. Plus c'est facile d'engager la rencontre. Plus les deux ont de l'expérience, plus ils ont touché à différentes phases de communication, de sexualité, de mise en échange de finances et qu'ils ont connu une rupture, faire des rencontres subséquentes demande de la part des deux personnes une plus grande prudence et sont portés inévitablement à donner à la relation une perception, je dirais, plus étudiée, plus apte à questionner ce que l'autre est, ce que l'autre vit et comment ils se projettent dans l'avenir. Évidemment, les attentes, bien des gens vont dire « Oui, mais c'est ce qui empêche le couple de se créer. » Je dirais que, dans une certaine mesure, des attentes, c'est intelligent. C'est intelligent non pas parce que l'ego a le contrôle, parce que l'ego n'a aucun contrôle, mais c'est intelligent parce que ça permet de refroidir une passion pour ne pas se laisser fondre dans la relation, au point où l'autre pourrait prendre le contrôle de l'échange. Et quand il y a perte de contenance de soi, c'est inévitable et automatique que l'autre va prendre le contrôle du pouvoir décisionnel de la relation. S'il est honnête, ça va. Mais qui est honnête indéfiniment? Bonne question. Quand ça devient trop facile une relation, l'honnêteté est toujours en fonction d'une idéologie. Et l'être sera toujours fidèle à son idéologie et ne laissera pas une grande marge de manœuvre à l'autre pour explorer sa propre dynamique ou sa propre idéologie. Donc, c'est très important de comprendre que cette problématique de la relation dans les attentes, c'est une problématique fondamentale de la volonté d'être de chacun et de la volonté de partage de chacun. Il y a dans les deux individus un besoin de rester sur ses positions pour affirmer et afficher son autorité, sa force, sa puissance de présentation à la société en général, et en même temps un besoin de partager des ressources parce qu'on sait qu'en équipe, c'est plus facile de vivre, plus facile même de survivre, plus facile d'engendrer de la communication et de développer des idées dans le but d'une construction quelconque. Une construction qui évidemment bénéficie à chacun des deux individus. Mais pour que ces attentes soient bien, disons, présentées à l'autre, il faut que l'autre accepte l'idée d'un partage sans chercher à dominer. Juste en se présentant dans une forme d'autorité intelligente pour ce qui concerne la part des ressources qu'il a à contenir pour les deux et évidemment vice-versa pour l'autre. Dans la mesure où les gens vivent une attente qui n'exige pas un rythme plus rapide que ce que l'autre contient, il n'y a pas trop de problème. Mais s'il y a attente et que cette exigence que l'on a vis-à-vis de l'autre impose une rythmique qui lui fait perdre contenance, il y aura inévitablement rupture à court terme parce qu'une attente qui est trop pressée, qui n'est pas contenue ou qui, dans un sens, est en dehors du rythme de la réalité de l'autre, va inévitablement lui obliger de se retourner vers son centre personnel, de s'isoler et de retrouver son focus pour lui-même, pour elle-même, afin d'éviter que l'autre fasse un saccage dans son équilibre mental et crée une confusion extrême. C'est donc très important de comprendre que l'attente, ça peut être très dévastateur pour le cerveau de l'autre, pour le mental de l'autre, pour son équilibre psychique. Une attente, ça sous-tend que si on n'y répond pas, on est rejeté. Et en amour, le rejet, ça fera plus qu'une perte d'argent sur une automobile ou sur quoi que ce soit au niveau de la forme. Le rejet, ça implique un rejet de l'être, un rejet de toute son âme et de la valeur de son esprit. Donc, l'attente en soi n'est pas bonne d'une façon ou d'une autre, mais tout le monde en a. Donc, il ne faut pas se cacher. Même si on dit ben, il ne faut pas d'attente, tout le monde a des attentes, des critères, si vous aimez mieux, dans certains cas. Et c'est correct. Mais dans la mesure où on n'impose pas à l'autre ce que l'on s'attend, qu'on lui laisse le temps de développer ce qu'il a, et s'il ne peut pas qu'on ne lui fasse pas de reproches, ben ça va. C'est votre problème de vivre votre attente. Et ça ne devrait pas conditionner votre relation sur du long terme. Mais une chose est certaine, c'est que si vous abordez votre relation intime sur une base d'engagement ne serait-ce que minime dans une rencontre, c'est qu'en quelque part, en dehors de la sexualité ou de certains avantages à court terme, vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse pour pouvoir vouloir vous engager. Je ne vous dis pas pour pouvoir, mais je vous dis pour vouloir vous engager. Pouvoir, probablement que ça va prendre un peu plus de temps. Mais si les attentes sont trop poussées, vous allez détruire votre volonté et vous ne pourrez plus vous engager. Et ça va emmener l'autre à vous placer en situation de culpabilité ou de reproche ou tout ce qui peut créer une forme de négociation malsaine dans les champs. Thank you. Un autre aspect important dans une rencontre, c'est est-ce que l'autre est capable d'engagement? Est-ce qu'il est capable également de passion? Je marie les deux éléments parce que la passion est une forme d'engagement qui est fortement liée à l'âme et l'engagement proprement parlé, pour réellement être soutenu à long terme, doit être lié à l'esprit. Donc, la passion est à l'âme, ce que l'engagement est à l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est que, en général, l'âme recherche la passion parce que ça lui garantit une effluve d'affectivité sans limite et donne inévitablement une dépendance à l'autre, à notre personne, et nous, une dépendance à l'autre, qui est partagée généralement dans la passion par une dépendance mutuelle. Et ça donne cette impression de certitude que l'autre, dans ce lien, sera à la vie, à la mort, dans la relation, en perpétuel échange. Bon, tout le monde sait qu'à un certain moment donné, cette fameuse passion se dilue, diminue, et que l'expérience des deux êtres en vient progressivement à une sorte d'individualisation nécessaire, évidemment, pour leur équilibre personnel, et que la passion doit éventuellement s'éteindre pour laisser place à un réel engagement, qui se retrouve généralement dans une forme d'alliance et dégagé de tous les aspects, disons, territoriaux du couple. Mais ça, là, on est rendu loin. Prenons d'abord la fameuse passion. Dans une rencontre, on demande à l'autre une passion. Qu'est-ce qui allume? Bon, il ne faut pas s'en cacher. Une passion s'allume par la sexualité. Il faut qu'il y ait une certaine chimie physique. Et s'il n'y a pas cette attraction, ce désir intense, c'est très difficile d'allumer une passion, voire même impossible dans bien des cas. Il peut y avoir la passion pour les plus perfides, qui est liée à la finance. Le gars est riche, la fille est riche, les deux sont riches de quelque chose, et puis ils veulent enrichir la relation. Et qu'évidemment, ça crée une forme de passion, mais une passion pour l'intérêt. Mais la passion de l'argent, vous savez, ça a autant de valeur que la passion sexuelle. Il peut y avoir également une passion qui est générée par le prestige. Qui sait que lorsqu'on rencontre un grand nom, on ne vibre pas? Si une vedette vous invitait à vivre avec elle, est-ce que vous diriez non? Ça serait difficile, je crois, mais en général, le prestige a beaucoup d'effets, un peu comme l'argent et comme la sexualité. Donc, il y a des gens qui sont fascinés par le vedettariat et vivent des passions d'intérêt également pour cette dimension qui est carrément publique. Les êtres ne sont pas nécessairement attachés l'un à l'autre dans le privé, mais nourrissent dans leur partenariat une dynamique publique qui les sert mutuellement. C'est pour ça que souvent on voit deux vedettes vouloir partager leur vie temporairement parce que c'est bon pour leur image, c'est bon pour l'effet que ça crée sur leurs fans, les personnes qui les applaudissent. Donc, cette fameuse passion liée au domaine de l'intérêt de l'âme a ses pulsions dans vos rêves, a ses pulsions dans ce que vous cherchez d'inaccessible et qui se retrouve en le partageant avec l'autre. La passion, c'est un peu comme un décollage d'avion. C'est comme si on veut se détacher de la routine, on veut se détacher de la norme, on veut se dégager de ce qui apparaît comme un quotidien défini d'avance. On veut se marginaliser à travers une passion. Et généralement, c'est ce que la passion vous apporte. Mais c'est aussi problématique, la passion, que l'on sait profondément, intuitivement, qu'elle va s'éteindre à un certain moment donné. En d'autres termes, on a beau faire décoller l'avion, on sait qu'il va falloir à un certain moment donné qu'on trouve une piste d'atterrissage. Et que si on veut redécoller avec le même élan, avec la même dynamique, il va éventuellement falloir redonner à la passion une nouvelle intensité, une nouvelle pulsion. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se spécialisent dans les changements de forme dans une intimité. Ils créent continuellement des variations dans les rapports qu'ils ont avec le partenaire pour garder la passion à vif. Et pour qu'une passion soit soutenue longtemps et donner l'impression que c'est un engagement, il faut continuellement surprendre l'âme. Il faut continuellement renouveler la conquête ou l'esprit de conquête, autant chez la femme que chez l'homme. Chez l'homme, c'est plus actif parce que l'homme, s'il ne veut plus conquérir, sa passion va inévitablement tomber. C'est donc dire ici qu'il y a deux types d'engagement, si je peux dire. Il y a l'engagement par la passion qui est basé sur le désir et il y a l'engagement qui est lié à l'esprit qui est basé sur la volonté et qui n'est pas, conséquemment à ça, basé sur un stimuli, mais basé sur un développement. La passion se mobilise dans un stimulus permanent. Donc, les deux êtres doivent constamment se rapprocher intensément et se rétracter ou se retirer rapidement également. C'est la rythmique d'engagement et de détachement qui engendre cette passion. Les gens qui se déchirent, qui s'aiment et qui s'haïssent, donc on voit vivre une passion intense, doivent alimenter cette fameuse passion par ces déchirements, ces rejets apparents, qui sont simplement un jeu pour stimuler l'autre à la conquête. Mais si l'autre ne veut plus conquérir, c'est là le problème. Est-ce qu'il lui reste quelque chose pour pouvoir vouloir continuer la relation? Oui, s'il y a une volonté d'engagement, s'il y a une dynamique de volonté et non plus de désir. Vouloir, c'est contenir. Désirer, c'est profiter. Quand on désire, on profite de quelque chose. On profite d'une ressource qui est là, accessible. On profite parce que on ne veut pas vraiment partager. La beauté d'un engagement, c'est que c'est un échange intégral. Mais la passion, ce n'est pas un échange. C'est qui va mieux prendre à l'autre. Qui va être capable d'exiger à l'autre et de le faire sentir redevant à soi. C'est ça le jeu de la passion. Et c'est pour celui qui se sent redevant, c'est de réussir à se dégager de sa dette apparente. Celui qui demande, c'est de constamment développer le génie de la redevance. Et souvent, il y a renversement et la passion continue à l'inverse. L'homme avait le contrôle, éventuellement il perd, c'est lui qui devient passionné et l'autre qui joue au chat et à souris avec ça. Mais il n'y a pas d'échange encore là. Il y a simplement, on prend, tu prends, je prends, et inévitablement, il y en a un qui prend plus que l'autre. Parce qu'il y en a un qui, au niveau vital, va s'épuiser. Au niveau de l'intellect, de l'esprit, va s'épuiser et va demander de s'arrêter dans le mouvement. L'engagement, ben, c'est sûr que dans une rencontre, c'est difficile à mesurer, à moins d'avoir réellement beaucoup d'expérience. Parce qu'il faut quand même que ça allume un petit peu. C'est rare que les gens s'allument à l'esprit. C'est froid plutôt l'esprit. Il faut être très, très, très, très, très conscient de nos besoins personnels pour s'engager à l'esprit. Parce qu'on ne s'attend plus rien de l'autre. Il n'y a pas cette passion qui ravage le mental et qui nous confond dans la perception de l'autre. Une personne qui a de l'esprit, donc qui est capable d'engagement, c'est une personne qui voit clair. Et quand on voit clair, ben, on sait les limites de l'autre et on connaît également les capacités de l'autre. Et on n'essaie pas de se maquiller. On est là, on regarde l'autre, on dit « Écoute, ça, j'ai besoin de ça, tu l'as. Et si tu es prêt à engager ça, moi j'engage ça. » C'est pas dit aussi froidement, là, j'entends, mais j'ai quand même juste 10 minutes, j'ai pas une année à présenter une relation de un à l'autre. Mais on voit que un choix intelligent, ce n'est pas un choix passionné. Une relation intelligente, c'est une relation sans conflit. C'est une relation sans combat. Une relation passionnée, c'est une relation de combat, c'est une relation de lutte. C'est un défi constant à récupérer l'autre et de se laisser abandonner, parce que récupérer l'autre, ça suppose que l'autre nous échappe. Et si on le récupère, il va toujours engendrer une échappée pour comme stimuler cette fameuse passion. L'être qui est engagé dans l'esprit ne veut pas ni échapper et qu'on lui échappe. Donc, moi, j'appelle ça les jeux de discothèque. Il n'est pas très, très friand, ça. C'est comme si, en d'autres termes, présente ce que tu veux, dis-les, cache-les pas, n'essaie pas de jouer à « je le sais, je le sais pas, je le sens pas ». Présente ça clairement et on va partir de là et on va développer avec ça. Mais ça, les gens sont pas prêts à ça avant une certaine quantité de souffrance, ou avant une certaine expérience de l'abandon. Il faut avoir connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions pour se libérer de l'illusion que l'autre peut nous appartenir. Et tant et aussi longtemps qu'on pense la relation d'engagement sur une base de territoire et de contrôle de l'autre, vous vivez de la passion. Et c'est nécessaire de vivre votre impression d'engagement sur cette compréhension de la passion. Mais si vous voulez vraiment vivre une passion à fond, vivez votre jalousie à fond. Vivez votre crise de contrôle à fond. Égoïquement, j'entends. Et vivez toute cette impression d'avoir un territoire à défendre à fond. Jusqu'à ce que vous compreniez que l'autre est libre. Et que tant que l'autre ne sera pas libre, vous ne serez pas libre. Votre liberté dépend de cette capacité de laisser libre. Tant et aussi longtemps que vous ne laisserez pas libre, vous aurez un mental emprisonné. Vous aurez une sensation de devoir contrôler pour que ça aille comme vous voulez dans l'échange, affectivement et émotivement. Mais un être intelligent et engagé ne veut pas que l'autre ne soit pas libre, parce que toute la ressource de l'autre se développe dans l'imprévu, se développe dans les contacts humains qu'il a en dehors de sa relation privée, et se développe en sachant que c'est la parfaite honnêteté des deux individus l'un par rapport à l'autre qui engendre la puissance d'impression nécessaire pour avoir de la crédibilité publiquement. On ne donne pas de crédit à deux êtres passionnés. Ils se déchirent. On ne sait jamais quand ça va sauter. On donne du crédit à deux personnes qui se respectent. Parce que deux personnes qui se respectent, qui sont parfaitement engagées l'un par rapport à l'autre, on les sent permanents. On sent en eux de la longévité, chose qui est très rare dans l'intimité de nos jours. Mais une personne qui vit de la passion ne présente pas cette longévité parce qu'elle est en crise, constante et permanente. On ne peut pas voir deux êtres s'ostiner systématiquement dans une relation et penser que ces gens-là vont pouvoir prendre une décision commune ensemble sur l'achat d'une maison ou sur l'achat d'une auto ou sur l'achat de quoi que ce soit. Un vendeur perd son temps avec deux êtres passionnés. Mais il va faire des bonnes affaires avec deux personnes engagées. Parce que deux êtres engagés, lorsqu'ils se consultent, ils se respectent. Ils écoutent ce que l'autre a à dire. Ils écoutent parce qu'ils savent que l'autre a une vision, une perception différente de la leur, mais sérieusement complémentaire, et capable de regarder à très long terme ou à très court terme, de telle façon à ce que lui ou elle va engager comme argent, comme temps, sera respecté malgré les obstacles qui peuvent être rencontrés au cours des événements. Parce que les gens ont vécu ou veulent s'engager pour combattre ensemble, pour combattre la survie ensemble, perdre cette impression que la vie va être facile, c'est important. Des êtres qui sont engagés, c'est des êtres qui ont de l'esprit. Donc, c'est des êtres qui savent qu'ils peuvent être déçus à un moment donné par les événements de la vie, mais qu'ils vont se relever les manches pour continuer. Là, vous allez me dire, oui, mais dans une rencontre, est-ce qu'on peut voir ça? Ben, je vais vous donner un truc, parce que moi, je dis souvent aux gens qui me parlent de couple, parce que je n'entends parler souvent, ça se passe comme ça commence. Regardez les trois premiers jours de votre relation. La première semaine, si vous trouvez ça trop court, puis ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça parce que la façon dont l'autre va être avec vous, les ingrédients qu'il va mettre dans sa soupe, c'est ce qu'il va vous servir à la table. Vous allez me dire, oui, mais ça peut tout changer. Il faut beaucoup de crises pour que ça change. Mais n'oubliez jamais que ça se passe comme ça commence. Et puis, le comment ça commence, ça va être le travail que vous allez avoir à faire pour épurer la passion et éventuellement en arriver, peut-être, puis là, c'est pas une garantie, là, peut-être un engagement. C'est possible de reconnaître qu'il va y avoir de la passion. Quand il y a du désir, quand la relation passe ou démarre sur une dynamique de désir, sur une dynamique d'intérêt un petit peu trop égocentrique, vous pouvez vous attendre à ce que ça soit une passion qui va être vécue. Les gens qui s'engagent, c'est des gens qui se veulent. Mais c'est des gens qui savent présenter ce qu'ils sont. Et ils sont capables de présenter ce qu'ils ont de vulnérable. Et ils laissent l'autre proposer dans l'échange ce qui est intelligent à compléter chez eux. Et en général, des gens qui s'engagent ne se sentent pas dominés dans leur vulnérabilité. alors que les gens dans une passion vont toujours sentir le jeu de dominant-dominé se présenter. Donc, quand je dis « ça se passe comme ça commence », et c'est important cette phrase-là, regardez bien les premiers temps de votre échange, puis regardez bien comment l'autre a été spontané, honnête et libre dans sa présentation. S'il a joué une game, il va vous la jouer multipliée par 100 dans 5 ans. S'il a joué une game avec lui-même, il va avoir un dégât au niveau de la santé, en quelque part, au niveau du travail. Il va avoir des sérieux imprévus sur lesquels cette fameuse game va l'emmener à dépendre de vous et à vous faire perdre contenance. La passion, le propre d'une passion, c'est de faire perdre contenance à l'autre. Le propre de l'engagement, dans le sens de l'esprit, c'est de toujours s'assurer à ce que l'autre se contienne, peu importe les épreuves. Et même dans une séparation, si c'est intelligent de se séparer, l'autre va garder une alliance avec vous pour que vous soyez toujours capable de développer votre contenance. Et il ne vous abandonnera jamais. Comment pouvez-vous savoir que c'est votre homme? Que dans une rencontre, c'est la bonne personne. Que c'est votre femme à vie, c'est votre homme à vie. C'est simple. Toute personne qui vous critique ne vous contient pas. C'est simple. Toute personne qui essaie de vous changer ne vous contient pas. C'est même très simple parce que toute personne qui vous regarde et qui ne vous voit pas comme un élément complet dans la vie, qui vous dit « Ah, si toi tu changerais ça, je te marierais. Si toi tu ferais ça, ça serait parfait. » Toute personne qui essaie de vous sortir de votre temps, de votre timing, de votre vie immédiate pour vous arracher à votre vie et vous faire changer pour ses besoins. C'est une personne qui ne vous contient pas. C'est une personne qui peut avoir les ressources pour vous faire vivre matériellement. C'est une personne qui peut avoir les ressources pour vous faire vivre une grande passion. Ça peut même être une personne qui va vous faire vivre un développement extraordinaire. Mais y a-t-il quelqu'un qui est intéressé de se marier avec son père ou avec sa mère? Il y en a, et puis il y a même des gens même qui aiment ça parce qu'ils ont papa. Qu'ils aimaient beaucoup quand ils étaient jeunes. Et là, leur mari, c'est un autre papa. Et il y a des hommes qu'ils sont contents parce qu'ils aimaient beaucoup leur mère. Et là, ils ont une femme qui est une petite maman pour eux autres, qui vont les dorloter, laver leur linge et faire tout comme ils étaient à l'âge de 2 ans, 5 ans, 6 ans. Évidemment, je caricature, mais c'est pas si drôle que ça. C'est des êtres qui ne se contiennent pas. Et c'est sûr que ces gens-là doivent vivre une grande passion, doivent vivre l'absurdité de leur quotidien jusqu'à en vivre une impression d'écœurement profond pour en arriver éventuellement à se rendre compte que ce manège-là a des conséquences très graves sur leur identité, sur leur équilibre personnel, sur leur individualité. Je ne dis pas qu'un être qui est individué n'est pas intéressé à échanger avec l'autre. Mais une personne qui a de l'individualité en arrive toujours à rechercher à ce que l'autre se libère de lui-même. On ne veut pas posséder quelqu'un quand on est intelligent. On le veut libre. On le veut libre parce qu'on se veut libre. Quelqu'un qui domine quelqu'un est obligé à la personne qu'il domine. Il est obligé à la personne qui se soumet. Éventuellement, c'est pas tellement drôle de dominer ou de contrôler les faits et gestes du partenaire parce que ça donne une sensation de toujours être dédié à son état, à sa façon de vivre, à son quotidien. Donc, on en vient à quoi? On en vient au fait que s'il y a, dans le début d'une rencontre, s'il y a dans l'amorce d'un échange, un sentiment quelconque de critique, faites attention. Il faut regarder de très près le fait qu'une personne qui a un esprit excessivement critique, ce n'est pas un bon partenaire. Il n'est même pas capable de s'endurer lui-même ou elle-même. C'est donc dire que quand ça rentre dans le quotidien, ça peut simplement occasionner des demandes quasi continuelles de changement de comportement, toujours évidemment, pour vous mettre à son service. Et c'est une situation, ça, qui est harassante. C'est une situation qui vous fait vous questionner pour rien. Et c'est dit que pour avoir la paix, il ne faut pas trop se questionner. Donc, si l'autre vous plonge constamment dans des remises en question, vous allez finir, si ça dure trop longtemps, par vous sentir coupable d'exister, coupable d'être dans la relation, coupable d'être point. Et ça, c'est fatigant. Par contre, si vous restez dans l'échange parce que vous avez l'impression que vous perdez quelque chose, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas entre vos deux oreilles. Le problème, ce n'est pas l'autre qui l'a à ce moment-là, c'est vous qui l'avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute forme d'échange indique un besoin d'équilibre, un besoin de sentir un développement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand un autre ne nous critique pas, il y a automatiquement dans la dynamique de l'échange une possibilité de laisser l'autre prendre son rythme, prendre son temps dans sa démarche. L'évolution d'une psychologie, c'est une évolution qui est lente et qui n'est pas nécessairement rythmée, je dirais, à la même cadence pour les deux personnes. Il y a des gens qui sont obligés de passer des expériences qui sont individuelles, même s'ils sont en couple. Et quand quelqu'un doit vivre une expérience dans l'intimité et que l'autre, lui, n'a pas à vivre cette même expérience, ben, c'est une phase, c'est une période de temps où l'autre doit s'abstenir de comme évaluer l'échange ou la progression de l'autre. L'autre doit avoir le plein contrôle de son esprit dans la période d'ajustement. Et dans cette période d'ajustement qui est pour sa personne, c'est lui qui doit aller vers l'autre ou elle qui doit aller vers l'autre pour demander de l'aide. Ce n'est pas à l'autre à se proposer d'aider. C'est comme si l'excès d'enveloppe ou l'excès de protection est plus nocif que l'abandon dans certaines occasions, parce qu'elle empêche l'autre de s'habiter. C'est comme si on devenait un être qui veut habiter l'autre. On veut devenir comme une entité omniprésente dans son esprit. Et c'est très, très, très dangereux pour l'équilibre mental d'une personne. Ça fait partie des mécaniques de lavage de cerveau. De se substituer au centre décisionnel de l'autre. De se substituer à sa réflexion personnelle. C'est ça du lavage de cerveau. Mais il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, sont tellement enveloppants qu'ils engendrent un effet de lavage de cerveau dans la relation avec l'autre. Il y a bien des femmes que j'ai rencontrées qui disaient « Je ne peux pas prendre aucune décision, c'est mon mari qui m'influence sans arrêt, puis qui en final me dit pratiquement tout ce que j'ai à faire. Je ne peux pas décider par moi-même, je ne peux plus penser par moi-même. » Ben, c'est du lavage de cerveau. Ça, c'est un être qui est totalement victime de son partenaire, qui est totalement victime de son idéologie, de sa ligne de conduite. Et souvent, l'autre, pour avoir le plein contrôle, va critiquer systématiquement toutes les zones d'affirmation, les zones de projection, en disant ben, « c'est pas fini, c'est pas complet, c'est pas parfait, c'est pas professionnel, ça se rendra pas jusqu'à terme, je peux pas croire que ça va marcher. » Et puis là, la personne devient Dieu pour l'autre, parce que l'autre peut jamais compléter sa période d'expérimentation. Et c'est très, très, très dangereux pour l'équilibre personnel. C'est donc dire ici que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous critique et qui ne vous contient pas, dans une rencontre, gardez ça sur une base amicale. Gardez ça sur une relation qui ne doit pas toucher votre intimité, surtout pas votre centre décisionnel. C'est très, très important de comprendre ça. Là, vous allez me dire, oui, mais qui est-ce qui est fait pour nous autres? C'est simple. C'est toute personne qui est capable de composer avec votre réalité sans se remettre en question, parce que la personne peut peut-être ne pas vous critiquer, mais elle peut se diminuer face à vous. Et en se diminuant, ben, fait le tapis. Et c'est pas intelligent dans cette situation-là parce qu'elle s'efface pour vous laisser apparaître. Et le deuxième danger qui suit le phénomène de la critique, c'est la vanité. Il y a des gens qui s'effacent tellement qu'ils obligent l'autre pratiquement à devenir vaniteux, à devenir excessivement narcissique. Et ça, c'est l'autre danger. Ça coupe de l'échange l'effet de vanité. Ça hiérarchise une relation. Être bien dans une relation, il n'y a pas de hiérarchie. Si vous êtes dans une relation et que l'autre se sent supérieur et se présente constamment dans un état de supériorité, c'est bien évident qu'il n'y aura pas de couple. On est encore dans cette fameuse relation père-fille, mère-fille ou père-fils ou mère-fils. Donc, c'est évident que si vous êtes lié à un individu qui devient vaniteux parce que vous lui donnez trop de support et que, bon, pour son image, pour la finance, pour toutes sortes de raisons qui sont des fois socialement ou économiquement viables ou intelligentes en apparence, cette vanité-là, vous allez le payer à gros prix parce que la personne qui est vaniteuse va éventuellement dénigrer vos affirmations, va dénigrer votre présentation d'une solution, va dénigrer les expériences qui vont, pour la personne, souvent avoir été vécues il y a 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, et qui ne sera pas capable de voir dans votre expérience l'école, le développement que vous faites. C'est sûr que quand vous vous rencontrez, vous êtes différent. Donc, si vous êtes différent, l'autre a vécu des expériences qui sont différentes et pour lesquelles certains ont un avantage sur l'autre et sur lequel, évidemment, l'autre a un avantage différent sur l'autre. Faire une bonne cuisine, une bonne soupe, faire une bonne gestion de l'intérieur d'une maison, c'est aussi valable que de bien gérer une entreprise. Prenez notre gars qui gère bien son entreprise, puis foutez-les dans le bordel d'une maison qui n'est pas organisée, vous allez voir qu'il va être pas mal moins efficace au bout de 2 ans. Bon, c'est un classique, vous me direz comme exemple, mais c'est toujours valable. C'est sûr que si une personne, ce qu'elle apporte, c'est plus abstrait que l'autre, qui lui amène des éléments concrets, on n'en finira plus de savoir où on doit négocier. Mais comme je vous dis, s'il n'y a pas de critique, il n'y a pas de tension. Mais s'il y a de la critique, c'est malsain, parce que souvent, cette critique-là va sous-tendre une vanité de la part de l'un des deux, et sa vanité va faire qu'on ne verra dans le couple que la personne. On ne dira plus « on a une maison », on dira « j'ai une maison », ou « c'est la maison de mon mari », « c'est l'auto de mon mari », « c'est l'auto de ma femme », si elle travaille, etc. La vanité, c'est extrêmement dangereux dans une relation parce que ça détruit systématiquement toute volonté de coopérer avec l'autre parce qu'il prend notre espace progressivement. Il prend la parole pour nous parce qu'il considère qu'on n'est pas assez intelligent pour s'exprimer. Il prend les décisions financières importantes par lui-même. Il vous laisse faire la commande d'épicerie. Et éventuellement, il fait tellement de choses importantes que vous n'êtes plus important. Alors que si c'est fait en partage mutuel, on est important. Et le couple peut devenir vaniteux, mais au moins il va être confronté à ses relations sociales et amicales pour le mettre à sa place, parce que les gens ne vous doivent rien. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la critique, c'est un élément de perte de contenance, et la vanité, c'est un processus de hiérarchisation de la relation qui éventuellement fait perdre contenance à un des éléments du couple, à un des partenaires, qui se sentira totalement effacé dans l'échange et qui éventuellement mettra comme en accent un déséquilibre tellement grand dans le rapport de l'un par rapport à l'autre que le couple n'existera qu'au niveau de la forme pour les autres, mais n'existera plus dans la relation intime. Et ça apparaîtra dans l'intimité, même dans la sexualité. Un être vaniteux est rarement bon au lit, autant du côté de la femme que de l'homme, parce que là, je n'applique pas que l'homme est plus vaniteux que la femme. Il y a des femmes qui, à cause de leur esthétique, qui, à cause de certains atouts ou avantages qu'ils ont, peuvent devenir extrêmement vaniteuses de leur apparence, extrêmement vaniteuses de leur échange et peuvent facilement installer des rapports de compétition entre hommes. Parce que la femme vaniteuse, son plaisir, c'est de se créer un climat de conquête permanente de sa personne. La femme vaniteuse va engendrer des ambiances où les hommes vont chercher à la conquérir et à la séduire. Et elle va s'appliquer à séduire de plus en plus en fonction de cette fameuse vanité, au point d'exacerber l'esprit territorial de l'homme. Des fois, ça a un bon côté parce que le gars est trop jaloux puis il faut que ça passe. Mais quand c'est fait d'intention, il y a de la domination là-dedans et il faut faire extrêmement attention. Donc, les deux éléments qui peuvent, dans une rencontre, être identifiés comme étant des aspects extrêmement nocifs de l'échange, c'est l'esprit critique excessif et la vanité. Un homme ou une femme vaniteuse dans une discussion, dans les fameux une semaine de rencontre, séjour de rencontre, un exemple, un homme qui parle tout le temps de ses affaires, de sa business, de ses avantages, c'est un problème avec le temps. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous comme personne, qui s'intéresse juste à ses performances, c'est un élément de vanité qui va installer inévitablement une hiérarchie dans la relation et évidemment, il va se mettre en haut de la pyramide. Et la critique, ben, c'est carrément quelqu'un qui ne vous contient pas, qui essaie de vous dévaluer pour éventuellement vous mettre à moindre niveau que soi. Et comme je vous dis, ça joue autant du côté de l'homme que de la femme. Il y a des gens qui sont aussi pervers au niveau de l'âme, d'un côté comme de l'autre.